On va parler du Marcos Pub de Saint-Félicien. C'est un petit coup qu'on a pris un petit congé du Marcos Pub, mais là, il y a les séries qui sont commencées. On va parler avec l'instructeur-chef Jason Dagelet. Salut, Jason. Salut, Danny. Jason, comment ça a été dans la série contre les Nationales de la Baie? C'est-tu moi ou ça a été quand même plus serré qu'on pensait? Non. Tu sais, c'est sûr que la Baie, quand ils ont les équipes complètes, ils ont quand même une équipe assez potable, là, selon moi. C'est ça. Là, tu sais, dans le premier match, 8-0. Dans le deuxième, là, on a scoré deux buts encore dans les trois premières minutes du match. Donc, c'est sûr que c'est... Ça fait mal. On a gagné 5-5 le deuxième. Puis dans le troisième, ben, c'était un match chaudement disputé. Sûr que peut-être leur dernier match là, de la saison. Donc ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Okay. On a quand même réussi là, à aller chercher une victoire là, de 3-1. OK. Donc dans l'ensemble, ça fait-tu ton affaire de jouer trois matchs seulement? Ou t'aurais. Oui, ça c'est parce que les petits pas bons. Quasiment une semaine de repos. Là, en vrai, là, ça recommence juste. Dimanche prochain. Et nous, on a fini cette semaine, en fin de semaine, là, dimanche soir. Puis on recommencerait juste ce dimanche prochain. Là. Ça fait une semaine, 7 jours de repos. Là. Donc, ça va faire du bien là, aux okay. joueurs là, qui avaient des petits bobos qu'on traîne depuis les tournois. OK. Ben, c'est sûr que. Puis là, comment tu vas faire pour préparer ton équipe en sachant pas c'est qui? J'imagine que tu vas y aller avec une préparation normale, quoi. Ouais, ben préparation normale. Là, de toute façon, c'est nous autres qui disent qu'il faut que tu joues ton match. Il faut pas que tu t'ajustes à l'adversaire. C'est à l'adversaire à s'ajuster là. C'est ça. Nous autres, c'est comme ça qu'on joue. Là. C'est pas, on s'ajuste pas à l'adversaire. Là. Il faut jouer notre style de jeu. Y a-t-il des vétérans qui étaient là l'année passée au provincial? Oui. Ça doit aider quelque part dans la chambre, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr que le mot d'ordre dans la chambre, c'est gagner le provincial. Donc, ça te donne une petite autre idée. Là. C'est pas gagner les séries, là, c'est d'aller chercher le provincial. Depuis le début de l'année, là, c'est le mot d'ordre. Donc, pour aller gagner le provincial, ben faut gagner les séries. Fait que c'est le mot d'ordre dans la chambre, là. Marcos Pub là, depuis jour 1 là, du camp d'entraînement. OK. Ben Jason, un gros merci. On va se reparler. On va te suivre pendant les séries éliminatoires. Parfait, merci beaucoup. L'instructeur-chef du Marcos Pub de Saint-Félicien, Jason Lajeunesse.